sur Galaxy. Progressive session on Galaxy. sur Galaxy. avec Guillaume sur Galaxy. progressive session on Galaxy.

avec Guillaume sur Galaxy. We'll be right back. Oh.